avec mère Manou, j'ai perdu, je sais pas, je crois que je suis parano. Demain serait un jour meilleur, si demain ça peut, on fait la guerre à nous. Je dans avec mère Manou, j'ai perdu, je sais pas, je crois que je suis parano. Demain serait un jour meilleur, si demain ça peut, on fait la guerre à nous. Ta copine, elle me trouve guapo, elle a flashé, casse la main, chevaux. Je passe ma vie, petit verre pago. Comme mère Manou, je vole le G4. J'en vote pas, petit cocktail ananas. Combien tu vas gagner, combien tu ralasses. Une jalouse dans la poche, pinceau. Je donnerai jamais une pièce pour une folle au Dallas. Allo, quand, mais pourquoi tu te moques? Oh, c'est bon, les jaloux, je les fuck. Mais pourquoi tu te moques? Je m'en vais, j'ai ta peine cachée. Dans ma tête, l'époque du carré d'âgé. On était tout petits devant la monde et on crie, ah, les gars dégagés. Je traîne dans un avec mère Manou. J'suis perdu, j'sais pas, j'suis parano. Demain serait un jour meilleur. Si demain ça pète, on fait la guerre à nous. Je traîne dans un avec mère Manou. J'suis perdu, j'sais pas, j'suis parano. Demain serait un jour meilleur. Si demain ça pète, on fait la guerre à nous. Hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano. Zéro check carré boss banana. A tous mes vaillants sortez les bandanas. Oh fatigué je m'emballe avec ta nana. Ta copine elle m'écoute et danse le fou nana. Il est frit les années ont passé. Me raconte ses problèmes j'en ai bien assez. Dans le parc comme Sosa un peu comme saucé. J'ai perdu des proches j'oublie pas le passé. Je prends les virages me vois dans les îles. J'ai le sang la racine, là-bas la fracine. J'ai des potes qui ont perdu la vie, regarde pas son cul, regarde bien ta vie. Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux mon avis. Tu leur tends la main, ils te prennent la vie. Quel monde de fils de pour du buzz, ils t'oublient pour une chatte, pour une pute. Chacun sa mère, sa famille, sa répute. Oubliez-moi, oubliez-moi. Vis pour toi et que ta famille, par intérêt, pour tout plus d'amis. Tu tubes quand t'as tout, que t'as rien d'oublié. Tu tubes quand t'as tout, que t'as rien d'oublié. Je traîne dans un avec mère Manou, j'suis perdu, j'sais pas, j'crois que j'suis parano. Demain serait un jour meilleur, si demain ça pète, on fait la guerre à nous. Je traîne dans un avec mère Manou, j'suis perdu, j'sais pas, j'crois que j'suis parano. Demain serait un jour meilleur, si demain ça pète, on fait la guerre à nous. Hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, on reste pas dans la zone. Je me suis fait salir, y'a pas de Nicolasson. Dans le check, y'a ma voix qui résonne. AMG, vite, NT, on vit rupte la zone. Benaki, Benaki, pom pom pom. Mais où sont tes amis? Bara pom pom pom. Qui t'envoie des mandats? Bara pom pom pom. Qui est ta famille? Bara pom pom pom. Benaki, Benaki, pom pom pom. Mais où sont tes amis? Bara pom pom pom. Qui t'envoie des mandats? Bara pom pom pom. Qui est ta famille? Bara pom pom pom. Je traîne dans un avec mère Manou. J'suis perdu, j'sais pas, j'crois que j'suis parano. Demain serait un jour meilleur. Si demain ça pète, on fait la guerre à nous. Je traîne dans un avec mère Manou, j'suis perdu, j'sais pas, j'crois que j'suis parano. Demain serait un jour meilleur, si demain ça pète, on fait la guerre à nous.